Le roman d'un enfant, chapitre 61 à 70. Je crois que le printemps de cette année-là fut vraiment le plus radieux, le plus grisant des printemps de mon enfance. Par contraste, sans doute, avec le si pénible hiver pendant lequel avait tout le temps sévi le grand singe. Oh, la fin de mai, les hauts foins puis les fauchages de juin, dans quelle lumière d'or je revois tout cela! Les promenades du soir avec mon père et ma sœur se continuaient comme dans mes premières années. Ils venaient maintenant m'attendre à la sortie du collège, à 4h30, et nous partions directement pour les champs. Notre prédilection ce printemps-là se maintint pour certaines prairies pleines d'amourettes roses. Et au retour, je rapportais toujours des gerbes de ces fleurs. Dans cette même région venait d'éclore une peuplade éphémère de tout petits phalènes noirs et roses, du même rose que les amourettes, qui dormaient posées partout sur les longues tiges des herbes, et qui s'envolaient comme un effeuillement de pétales de fleurs dès qu'on agitait ses foins. C'est à travers d'exquises limpidités d'atmosphère de juin que me réapparaît tout cela. Pendant la classe de l'après-midi, l'idée de ces grandes prairies qui m'attendaient me troublait encore plus que l'air tiède et les senteurs printanières entrant à pleine fenêtre. Mais j'ai surtout gardé le souvenir d'un soir où ma mère nous avait promis, par exception, d'être de la promenade pour voir, elle aussi, ses champs d'amourettes. Cette fois-là, plus distrait que de coutume, j'avais été menacée de retenue par le grand singe. Et tout le temps de la classe, je m'étais crue punie. Cette retenue du soir qui nous gardait une heure de plus par ces beaux temps de juin était toujours un cruel supplice. Mais surtout, j'avais le cœur serré en songeant que maman viendrait précisément là à m'attendre et que les printemps étaient courts, qu'on allait bientôt faucher les foins, que peut-être une autre soirée aussi radieuse ne se retrouverait plus de l'année. Aussitôt la classe finie, j'allais anxieusement consulter la liste fatale entre les mains du maître d'études. Je n'y étais pas. Le grand singe noir m'avait oublié, ou fait grâce. Oh, ma joie alors de sortir en courant de ce collège, d'apercevoir maman qui avait tenu sa promesse et qui m'attendait là, souriante, avec mon père et ma sœur. L'air qu'on respirait dehors était plus exquis que jamais, d'une tiédeur embaumée, et la lumière avait un resplendissement de pays chaud. Quand je repense à ce moment-là, à ces prés d'amourettes, à ces phalènes roses, il se mêle à mon regret une espèce d'anxiété indéfinissable, comme du reste chaque fois que je me retrouve en présence de choses qui m'ont frappée et charmée par des dessous mystérieux, avec une intensité que je ne m'explique pas. J'ai déjà dit que j'avais toujours été beaucoup plus enfant que mon âge. Si on pouvait mettre en présence le personnage que j'étais alors et quelques-uns de ces petits Parisiens de 12 ou 13 ans, élevés par les méthodes les plus perfectionnées et les plus modernes, qui déjà déclament, pérorent, ont des idées en politique, me glacent par leur conversation, comme ce serait drôle et avec quel dédain ils me traiteraient. Je m'étonne moi-même de la dose d'enfantillage que je conservais pour certaines choses, car, en fait d'art et de rêve, malgré le manque de procédés, le manque d'acquis, j'allais bien plus loin et plus haut qu'à présent. C'est incontestable. Et si ce grimoire enroulé sur un roseau dont je parlais tout à l'heure existait encore, il faudrait 20 fois ces notes pâles sur lesquelles il me semble déjà qu'on a secoué de la cendre. Ma chambre, où je ne m'installais plus jamais pour travailler, où je n'entrais plus guère que le soir pour dormir, redevint pendant ce beau mois de juin mon lieu de délices. Après le dîner, par les longs crépuscules tièdes et charmants, c'est que j'avais inventé un jeu, un perfectionnement du rat en guenille que les gamins vulgaires font courir au bout d'une ficelle, le soir, dans les jambes des passants. Et cela m'amusait, mais d'une façon inouïe, sans lassitude possible. Cela m'amuserait encore autant si j'osais, et je souhaite que mon invention soit imitée par tous les petits auxquels on aura l'imprudence de laisser lire ce chapitre.

arbres aux feuilles persistantes et d'une couleur sombre, formant un peu colonnades de temples avec leurs troncs élancés. Et là-dessous, aucune broussaille, mais un sol à part, constamment sec, recouvert toute l'année de la même petite herbe esquisse, courte et très fine comme un duvet. Ça et là seulement quelques bruyères, quelques filipendules, quelques rares fleurettes d'ombre. En classe, on expliquait l'Iliade, que j'aurais sans doute aimée, mais qu'on m'avait rendue odieuse avec les analyses, les pensums, les récitations de perroquets. Et tout à coup, je m'arrêtais plein d'admiration devant le vers fameux. Be dakeon tina, polyflois boio thalasses, qui finit comme le bruit d'une lame de marée montante étalant sa nappe d'écume sur les galets d'une plage. Remarquez, dit le grand singe, remarquez l'harmonie initiative. Oh oui, va, j'avais remarqué. Pas besoin de me mettre les poings sur les i pour de telles choses. Une de mes grandes admirations, moins justifiée peut-être, fut ensuite pour ces vers de Virgile. In cadeo media es nobis via, nomque sepulcrum incipit apparere via noris. Depuis le commencement de l'églogue, du reste, je suivais avec intérêt les deux bergers, cheminant dans la campagne antique. Et je me la représentais si bien, cette campagne romaine d'il y a 2000 ans, chaude, un peu aride, avec des broussailles de filiréas et de chênes verts, comme ces régions pierreuses de la Limoise auxquelles, précisément, je trouvais un charme pastoral, un charme d'autrefois. Ils cheminaient, les deux bergers, et maintenant ils s'apercevaient que la moitié de leur route était faite, parce que le tombeau de Bianor leur apparaissait là-bas. Oh, comme je le vis surgir, ce tombeau de Bianor! Ces vieilles pierres marquaient une tache blanche sur les chemins roux couverts de petites plantes un peu brûlées, serpolées ou marjolaines, avec çà et là des arbustes maigres au feuillage sombre. Et la sonorité de ce mot, Bia Noris, finissant la phrase, évoqua pour moi tout à coup, avec une extraordinaire magie, l'impression des musiques que les insectes devaient faire autour des deux voyageurs, dans le silence d'un midi très chaud éclairé par un soleil plus jeune, dans la sereine tranquillité d'un mois de juin antique. Je n'étais plus en classe. J'étais dans cette campagne, en la société de ces bergers, marchant sur des fleurettes un peu brûlées, sur des herbes un peu roussies, par une journée d'été très lumineuse, mais cependant atténuée et vue dans un certain vague, comme regarder avec une lunette d'approche au fond des âges passés. Qui sait? Si le grand singe avait deviné ce qui me causait ce moment de distraction, cela eût peut-être amené un rapprochement entre nous. Un certain jeudi soir à la Limoise, tandis qu'arrivait l'heure inexorable de s'en aller, j'étais montée seule dans la grande chambre ancienne du premier étage où j'habitais. D'abord, je m'étais accoudée à la fenêtre ouverte pour regarder le soleil rouge de juillet s'abaisser au bout des champs pierreux et des landes à fougères, dans la direction de la mer, invisible et pourtant voisine. Toujours mélancolique, ces couchers de soleil sur la fin de mes jeudis. Puis, à la dernière minute avant le départ, une idée que je n'avais jamais eue me vint de fureter dans cette vieille bibliothèque Louis XV qui était près de mon lit. Là, parmi les livres aux reliures d'un autre siècle, où les vers jamais dérangés perçaient lentement des galeries, je trouvai un cahier en gros papier rude d'autrefois, et je l'ouvris distraitement. J'appris alors avec un tressaillement d'émotion que de midi à 4 heures du soir, le 20 juin 1813, par 110 degrés de longitude et 15 degrés de latitude australe, entre les tropiques par conséquent et dans les parages du grand océan, il faisait beau temps. Belle mer, jolie brise de sud-est, qu'il y avait au ciel plusieurs de ces petits nuages blancs nommés queue de chat, et que le long du navire, des dorades passaient. Mort sans doute depuis longtemps, ceux qui avaient noté ces formes fugitives de nuages

Je m'inquiétais de savoir s'il m'aimerait en me revoyant, s'il me trouverait à son goût, si mille petites choses de moi, comme par exemple ma manière de jouer Beethoven, lui plairaient. Je pensais constamment à son arrivée prochaine. Je m'en réjouissais tellement et j'en attendais un tel changement dans ma vie que j'en oubliais complètement ma frayeur habituelle de l'automne. Mais je me proposais aussi de le consulter sur mille questions troublantes, de lui confier toutes mes angoisses d'avenir. Et je savais du reste que l'on comptait sur ses avis pour prendre un parti définitif à mon sujet, pour me diriger vers les sciences et décider de ma carrière. Là était le point noir de son retour. En attendant cet arrêt redoutable, j'allais au moins m'amuser et m'étourdir le plus possible, sans souci de rien, m'en donner librement et plus que jamais, pendant ces vacances que je considérais comme les dernières de ma vie de petit enfant. Après le dîner de midi, il était d'usage chez mon oncle de se tenir pendant une heure ou deux à l'entrée de la maison, dans le vestibule dallé de pierre et orné d'une grande fontaine guillochée en cuivre rouge. C'était le lieu le plus frais au moment de la lourde chaleur du jour. On y maintenait l'obscurité en fermant tout, et deux ou trois petits raies de soleil, où dansaient des mouches, filtraient seulement à travers les joints de la grosse porte Louis XIII. Dans le village silencieux, où personne ne passait, on n'entendait toujours que le même éternel jacassement de poules, toutes les autres bêtes semblant s'être endormies. Moi, je n'y restais point dans ce vestibule frais. L'accablant soleil du dehors m'attirait. Et à peine d'ailleurs était-on installé là, en cercle, on entendait « pan, pan » à la porte de la rue. Les petits pérales qui venaient me chercher et qui secouaient tous trois le vieux frappoir de fer, chauffés à brûler les doigts. Alors, chapeau baissé, nous partions chaque jour pour quelque entreprise nouvelle, avec des marteaux, des bâtons, des papillonnettes. D'abord les petites rues gothiques pavées de cailloux, puis les premiers sentiers alentour du village, toujours couverts d'un matelas de balles de blé, où on enfonçait jusqu'aux chevilles et qui entraient dans les souliers. Puis enfin la campagne, les vignes, les chemins qui grimpaient vers les bois, ou bien encore la rivière, guéable pour nous, avec ses îlots pleins de fleurs. Comme revanche de mon calfeutrage et de ma vie trop immobile, trop correcte de toute l'année, c'était assez complet. Mais il y manquait toujours la compagnie d'autres garçons de mon âge, les froissements. Et puis, cela ne durait que 2 mois. Un jour, l'idée me vint même, par saugrenuité, par bravade, par je ne sais quoi, de faire une chose extrêmement malpropre. Et après avoir cherché toute une matinée ce que ce pourrait bien être, je trouvai. On sait les nuées de mouches qu'il y a les étés dans le midi, souillant tout, en vrai fléau. Au milieu de la cuisine de la maison de mon oncle, je connaissais un piège qui leur était tendu, une sorte de gargoulette traîtresse, d'une forme spéciale, au fond de laquelle toutes venaient infailliblement trouver la mort dans de l'eau de savon. Or ce jour-là, j'avisais au fond de ce vase une horrible masse noirâtre qui représentait des milliers de mouches, toute la noyade des 2 ou 3 jours précédents. Et je songeais qu'on pourrait en composer un plat. Une crêpe, par exemple, ou bien une omelette. Vite, vite, et avec un dégoût qui allait jusqu'à la nausée, je versais dans une assiette la pâte noire et j'emportais clandestinement chez la vieille Madame Jeanne, mon amoureuse, la seule au monde qui fût capable de tout pour moi. Une omelette aux mouches ? Oh, mais comment donc ? Quoi de plus simple, dit-elle. Tout de suite du feu, une poêle, des œufs. Et la chose immonde, préalablement bien battue, fut mise à cuire dans sa haute cheminée Moyen-Âge, tandis que je regardais épouvantée et consternée de moi-même. Puis les 3 petits pérales survinrent, qui me réconfortèrent en s'extasiant de mon idée comme toujours, et quand le mets fut à point, servi chaud dans un plat, nous allâmes le montrer en triomphe à nos familles, marchant tous les 4 en cortège par rang de taille, et chantant l'astre des nuits, à grosse warwick, comme pour porter le diable en terre.